Nyangi. Jeudi 31 janvier, merci de rester fidèle. Bonjour et bienvenue à cette édition dont voici les grands titres. Une trentaine de ménages de la commune Boussoni en province Kirundo ont déjà quitté leur ménage suite à une famine due à la sécheresse. L'autorité provinciale et au niveau du ministère des Droits de l'Homme l'ont fait appel à la solidarité locale, mais également à l'irrigation des champs. Le Burundi occupe la 70e place sur 180 pays évalués en matière de lutte contre la corruption selon un rapport de l'ONG Transparence Internationale datant du 29 courant. Le Rwanda vient en tête de ce classement. Le ministère burundais du Commerce et le Bureau burundais de normalisation font face à des défis dont un manque de laboratoires, a précisé le ministre Jean-Marie Niokindi lors de la présentation ce jeudi des réalisations de son ministère. Des effectifs et des enfants malnutris qui font soigner à l'hôpital régional de Gitega augmentent en nombre. Ils sont de 145 en 2017 pour atteindre 219 l'année passée. Vous entendrez les détails dans cette édition mise en onde par Eric Wiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour, je vous l'annonçais en titre. 110 personnes issues de 31 ménages ont déjà quitté leur ménage suite à la famine due à la sécheresse. En commune Boussoni, certains ont pris la direction du Rwanda. Le gouverneur de la province Kirundo lance un appel vibrant à la population de cette province dans l'esprit de solidarité de rassembler le plus tôt possible des vivres pour assister les plus vulnérables. Les détails avec Agnès Naumagadze. Comme l'indique l'administrateur de la commune Boussoni, Hachadzinga Madi. Claudine. Dans les 5 zones de la commune Boussoni, 14 collines ont été atteintes par la famine due à la sécheresse. Parmi ces zones, les zones Gatare et Gisenyi sont les plus touchées par cette famine, plus particulièrement les collines de Guibikara et Gatete. La population des zones menacées par cette famine indique que cette famine a été causée par le manque de pluie dès le début de la saison culturelle dans la commune. Ce qui nous fait vraiment mal, c'est la famine qui nous menace. Nous avons planté des patates douces dans les marais. Nous avons demandé les boutures de manioc. Après les avoir plantées, ils sont restés sous la terre. Comme vous le voyez, nous n'avons rien à manger. La sécurité est une réalité, mais nous souffrons du soleil qui nous menace. Monsieur le gouverneur de la province Kirundo, votre présence ici est bénéfique pour nous. Nous demandons que vous puissiez plaider pour nous. Nous le disons face à face. Ce mercredi 30 janvier, le gouverneur de la province Kirundo, dans sa visite dans la colline Guibikara, commune Boussoni de la province Kirundo, il a lancé un appel vibrant à la population de Kirundo, animé dans l'esprit de solidarité, de rassembler les vivres pour assister aux plus vulnérables avant que les bienfaiteurs leur viennent en aide. En cas de disponibilité d'une petite quantité, priorité devra être accordée à ces vulnérables, quitte à donner aux autres en cas d'une grande quantité. Nous demandons que dans l'optique de la solidarité locale, les militaires, les policiers, les chefs ici présents, les directeurs, tous les ressortissants de Kirundo, les commerçants, tous ceux qui en ont les moyens sont appelés à la contribution pour que demain ou après-demain, l'on vienne en aide aux familles les plus touchées. De Kirundo, Agnès Naumagaze, Radio Isanganiro. Et sur cette situation, le ministère burundais des Droits de l'Homme et de la Solidarité Humaine demande à la population de s'entraider via la politique nationale de solidarité locale. Le ministre Martin Niviabande affirme que ces victimes de sécheresse seront assistées. Il appelle l'administration à sensibiliser ces sujets, de faire recours aux cultures vivrières. Je vous prie de le suivre au téléphone avec Eline Bell Nibikira. Déjà, nous avons demandé à la province d'organiser la solidarité locale, mais aussi vérifier si les stocks qui devaient être constitués avec les collectes réalisées au niveau de la solidarité locale sont encore alimentés. Mais au niveau de notre ministère aussi, on est en train d'organiser une réponse à cette situation. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau du ministère pour assister à ces personnes? D'abord, comme vous le savez, la santé sociale, il y a des préalables. Il faut d'abord vérifier si réellement ce sont des gens qui fuient la famine. Et après, on organise une réponse. Ce sont les quelques familles qui doivent être assistées. Au niveau de notre ministère, on s'est déjà organisé et l'assistance sera octroyée. Mais d'ores et déjà, ils sont soutenus par la solidarité locale, l'administration s'est organisée. Je pense que d'ici demain, la réponse sera trouvée. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de la population de Kirundo? Et aussi, c'est dans des provinces qui connaissent régulièrement de la sécheresse, de s'adapter à la situation. Ça veut dire aussi adapter et intégrer dans leurs habitudes une agriculture irriguée. C'est des régions où il y a des lacs, on peut toujours irriguer et récolter tout au long de l'année. Aussi, une autre solution, c'est que les gens réellement puissent s'atteler au travail. Martin Niviabandi, ministre des Droits de l'Homme et de la Solidarité Humaine. Quittons la province Kirundo pour nous rendre en province Gitega où les effectifs des enfants malnutris qui se font soigner à l'hôpital régional de Gitega ne cessent d'augmenter. Depuis l'an 2017, ils sont passés de 145 en 2017 à 219, en 2018, selon le chef de poste du service de stabilisation thérapeutique à cet hôpital. L'ignorance des parents en matière de restauration des enfants et leur pauvreté sont parmi les grandes causes de l'augmentation de ces effectifs. Odette Niongru propose des enseignements liés au régime alimentaire des enfants et des démonstrations culinaires en l'intention des parents des enfants malnutris hospitalisés pour réduire ces effectifs galopants. Les précisions de Gérard Nibikira. Odette Niongru, chef de poste du service de stabilisation thérapeutique à l'hôpital régional de Gitega, fait savoir que durant l'année 2017, 145 enfants malnutris ont été soignés dans son service. Elle indique également qu'en l'an 2018, 219 enfants malnutris ont été soignés. Et pendant ce mois de janvier, son service a déjà enregistré 22 enfants malnutris, dont 11 guéris et qui sont rentrés chez eux, et 11 encore hospitalisés et sous traitement. Odette Niongru précise aussi que certaines des causes de l'augmentation de ces effectifs sont l'ignorance des parents en matière de nourriture des enfants, à tel point que les parents vendent au marché les œufs, le lait, la poule, le lapin et les fruits, au lieu de les donner à leurs enfants comme nourriture, sans oublier la pauvreté de certains parents qui souvent manquent de quoi nourrir leurs enfants. Elle propose alors l'organisation des enseignements liés à la restauration des enfants et des démonstrations culinaires à l'intention des parents des enfants hospitalisés au service de stabilisation thérapeutique de l'hôpital régional de Gitega. Toutefois, elle mentionne qu'elle se heurte au problème de manque de fonds irrelatifs. De son côté, le médecin directeur de l'hôpital régional de Gitega, Dr Jacques Nduimana, fait savoir qu'il n'y a pas de moyens pour mettre en application cette proposition. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal par la page sécurité. Deux fusils de type Kalachnikov, un pistolet, neuf chargeurs vides et 262 cartouches ont été saisis ce mercredi soir dans la zone Musaga, quartier Kinanira, à l'avenue Muremera, chez un nommé Hakizimana Serge, actuellement en exil, dit le porte-parole du ministère burundais de la sécurité publique. Pierre Nguriki a fait savoir que la police de poste à Musaga a été alertée par la population environnante. Toutes ces armes et munitions sont en bon état et une enquête a été ouverte, poursuit-il. Parlons commerce à présent. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme est à l'œuvre pour inspecter le fonctionnement des unités de transformation des jus fungus, y compris pour qu'elles puissent fabriquer des produits qui sont conformes à la loi. Cela a été dit ce jeudi par le ministre Jean-Marie Niokindi lors de la présentation des réalisations du premier semestre édition 2018-2019. Le même ministre n'a pas manqué de dire que son ministère et le bureau burundais de normalisation BBN font face à des défis, celui de manque de laboratoires, y compris, on l'écoute. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que tout le monde est en train de travailler. Toutes ces unités sont en train de se mettre, de chercher à mettre de l'ordre dans leurs unités de production pour en fait produire, avoir des produits de qualité. Le Bureau burundais de normalisation suit la chose et le rapport que j'ai est plutôt encourageant. Les gens sont en train de mettre de l'ordre, de produire, de chercher à produire, de chercher à avoir des produits de qualité. L'handicap, il est le nôtre, c'est que le Bureau burundais de normalisation n'est pas équipé à notre satisfaction, mais le processus est en cours. On est en train de chercher à équiper autant qu'on peut le Bureau burundais de normalisation, mais en attendant, nous faisons le constat, nous collaborons avec d'autres structures, d'autres laboratoires pour en fait nous aider à inspecter, à chercher, à savoir si les produits qui sont sur le marché sont de qualité. Le ministre Jean-Marie Niokindi s'est également exprimé sur la récente revue à la hausse de certains produits de la Braroudi. Le ministre Niokindi se réjouit du fait que la Braroudi soit revenue sur sa décision en attendant que le ministère concerné, la Braroudi, se penche sur cette question. Je vous prie de le suivre encore une fois. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a réagi en suspendant la hausse des prix. Parce que nous avons dans nos attributions, nous devons y regarder, nous devons voir si cette hausse n'a pas d'impact négatif au niveau de la population. Et nous avons cette conviction que cet impact existe parce que c'est un impact négatif, parce que les uns aujourd'hui cachent les produits, les autres haussent les prix. Nous avons demandé à la Braroudi, puisqu'elle est à l'origine de ce désordre, de voir comment réorganiser, comment remettre de l'ordre dans le secteur. J'ai apprécié ce matin, déjà même hier soir, que la Braroudi est revenue sur sa décision qui était unilatérale, sa décision de revoir à la hausse les prix, et souhaite qu'on s'assoie ensemble et qu'on revoie, qu'on discute de cette question. Nous sommes ouverts à la discussion, mais nous exigeons d'abord que ce désordre cesse. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Jean-Marie Niokindi, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Page Bonne Gouvernance à 13h06 dans le studio de la radio Isanganiro. Le Burundi a reculé de 13 places en 2018 dans la lutte contre la corruption, selon le rapport de l'ONG Transparence Internationale qui lutte contre la corruption. Le Burundi occupait la 157e place sur 180 pays évalués, alors qu'en 2018, le Burundi occupait la 170e place. Dans son rapport de Transparence Internationale, le Rwanda vient en tête des pays de la communauté est-africaine, tandis que la Somalie occupe la dernière position au niveau mondial en matière de lutte contre la corruption, en rapport sorti ce 29 janvier. Les détails avec Jean-Marie Vianengendakuman. À propos de l'indice de la perception de la corruption en 2018, le Burundi a perdu 5 points. Selon le rapport de Transparency International qui lutte contre la corruption, le Burundi a obtenu 17 points cette année, alors qu'en 2017, le Burundi avait 22 points. Dans ce rapport de Transparency International, le Rwanda occupe toujours la première position dans la communauté est-africaine pour lutter contre la corruption. Ce pays est maintenu dans la 48e place au niveau mondial avec 56 points. Dans son pays, s'observe le taux moins élevé des pratique de la corruption, car le Rwanda occupe la 4e place des pays moins corrompus en Afrique après les îles de Seychelles, Botswana et Cap-Vert. La Tanzanie possède 36 points qu'elle avait obtenus en 2017. L'Ouganda n'a pas franchi le pas pour lutter contre la corruption car il a 26 points. Ce rapport de Transparency International montre que le Burundi a perdu 13 places. Au moment où le Burundi s'est classé en 157e place en 2017, actuellement le Burundi occupe 170e place. Selon son rapport de Transparency International, le Soudan du Sud occupe sa 178e place, tandis que la Somalie vient en première position des pays corrompus au niveau mondial avec 10 points. Les enquêtes qui ont été menées par Transparency International montrent que les institutions étatiques mal organisées et le non-respect de la loi sont à l'origine de la corruption en Afrique. Parlons agriculture à présent. La production du café va sensiblement diminuer jusque même à la moitié de la production précédente en province Ngozi, selon le coordinateur technique au sein de la Fédération Horéangoukiz et des caféiculteurs de cette province. Entre autres raisons, souligne-t-il, c'est la cyclicité ainsi que de nombreux grands caféiers remplacés. Les précisions d'Apollinaire Muzagara. L'an 2017, la production du café cerise en province Ngozi a excédé un peu 18 millions de tonnes contre 30 millions l'année passe. Le rendement de cette campagne café qui s'annonce bientôt ne sera pas bon, comparativement à celui de 2018. Il va même chuter jusqu'à 50%, dit Lambert Nunzumwe, coordonnateur technique au sein de cette fédération des caféiculteurs, Ngorera Mukiz. Parmi les raisons, la cyclicité qui fait que quand il y a une surproduction de café cette année, la production doit chuter l'année suivante, explique cet ingénieur agronome. Il y a aussi, selon lui, le fait que de nombreux vieux pieds de caféiers en âge de cueillette ont été soit remplacés ou coupés, laissant la place à de jeunes plants de café. Le coordonnateur technique de cette fédération appelle les caféiculteurs d'Ongozi à poursuivre l'entretien des plantations afin de se préparer à la prochaine récolte. Conseille également ces derniers à acheter le NPK à un prix de 900 francs bout, subventionné par le projet d'appui à la compétitivité du secteur café, projet qui a payé 600 francs bout par kilo acheté. L'objectif, selon cet ingénieur, est d'augmenter les chances d'avoir du bon café en quantité et qualité. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Et quittons Ngozi pour nous rendre en province Bubanza où la directrice du Fonds international pour le développement agricole FIDA dans la division Afrique de l'Est et Australe apprécie positivement les réalisations des programmes financés par ce fonds dans cette province. Sarah Mbagobunu l'a dit ce mercredi à Bubanza après les visites chez les bénéficiaires de ces programmes. Le gouverneur de cette province appelle la population à s'approprier de ces activités, même après le départ des bailleurs, les précisions de Space Caritas Cabagnana. La directrice du FIDA, le Fonds international de développement agricole dans la division Afrique de l'Est et Australe, accompagnée d'une délégation du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que les autorités de la province de Bubanza, ont effectué ce mercredi une visite chez les populations bénéficiaires des programmes du FIDA dans les communes de la province de Bubanza. Et ils ont tous apprécié positivement l'étape déjà franchie. Le gouverneur de la province de Bubanza appelle la population à continuer ses activités de développement même après le départ de ceux qui les ont financés. La directrice du FIDA dans la division Afrique de l'Est et Australe s'est étonnée de l'organisation des groupements en coopérative des riziculteurs, mais aussi l'étape déjà franchie en ce qui est de l'élevage. Mon appréciation, c'est très très positive. Tout au début, nous avons visité quelques sites. J'ai eu les chances de commencer mon journée aujourd'hui avec les riziculteurs. C'était très impressionnant comment ils ont monté un montage institutionnel d'un système de rentage qui permet carrément de petits producteurs de produire, stocker et vendre leur riz. Et ensuite, nous avons ici, ce n'est pas loin d'ici, nous avons vu toute une chaîne de lait, de produits laitiers. Et c'était très impressionnant avec l'augmentation de l'amélioration des productivités et des productions de lait. Et ensuite, les productions de fromage. Madame Sarah Mbagobuni a cependant relevé certains défis. C'est vrai, il y a certains défis, et surtout l'accès au marché reste toujours un défi. Mais nous avons constaté qu'il y a un marché qui existe au niveau domestique, mais nous n'avons pas vraiment le bon sens des chiffres et des informations sur ce marché local. Nous pouvons maintenant réorienter des coopératives qui sont déjà mises en place, des petits producteurs organisés en association, les jeunes qui sont déjà délancés dans tout qui est production. Et donc là, je pense qu'il y a encore le travail à faire. Le secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a indiqué de son côté que le ministère, en collaboration avec l'administration, continue à accompagner la population dans ce genre d'activité pour un développement durable. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Page société, le manque de représentativité de la jeunesse dans les instances de prise de décision serait parmi les défis qui privent les jeunes d'accéder à l'emploi. Dans un atelier de ce mercredi sur le cadre normatif et identification des besoins pour l'emploi des jeunes, la consultante Aline Nijimbele dit que le Burundi essaie de mettre en application quelques lois et traités ratifiés en la matière, notamment la politique nationale de la jeunesse. Elle ajoute que ces lois ne sont pas claires et le Conseil national de la jeunesse indique que ces instances de prise et de décision sont politiques. Cependant, le président de ce conseil se dit satisfait de l'étape déjà franchie dans cette représentativité. Il appelle ces jeunes déjà en poste à œuvrer pour les jeunes et le bien du pays. Erastenzo Sabar, président du Conseil national de la jeunesse, invite les partis politiques à tenir en compte la dimension jeunesse pour les prochaines élections de 2020. Voilà, à 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle quelques titres. Une trentaine de ménages de la commune Boussonné en province Kirundo a déjà quitté leur ménage suite à une famine due à la sécheresse. L'autorité provinciale et au niveau du ministère burundais des droits de l'homme l'ont fait appel à la solidarité locale, mais également à l'irrigation des champs. Le Burundi occupe la 170e place en 2018 sur 180 pays évalués. Il a perdu 13 places en matière de lutte contre la corruption selon un rapport de l'ONG Transparence Internationale datant du 29 de ce mois de janvier. Le Rwanda vient en tête du classement. Le ministère burundais du commerce et le bureau burundais de normalisation font face à des défis dont manque d'équipement du laboratoire, a précisé le ministre Jean-Marie Niokinde lors de la présentation des réalisations de son ministère. Et les effectifs des enfants malnutris qui sont font soigner à l'hôpital régional de Gitega augmentent en nombre. Ils sont de 45 en 2017 pour atteindre 219 l'année passée 2018. Merci donc à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive, à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci également à Eric Wimana qui assure la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.